Qu'est-ce que l'inspiration ? Un afflux soudain de mots, nous exprimant une émotion. Un état de repos, oh, insaisissable. Elle fuit l'homme méprisable, ne se dicte pas et ne se commande pas. Elle choisit son âme à côté d'une image de femme. Libère le cœur de ses échos, libère le cœur de ses mots, libère le cœur de ses échos et laisse courir. Oh! Sa main avance toute seule sur les pages d'un recueil, enchaînant phrases et rimes, entraînant la déprime. Elle engendre aussi la joie, tout dépend de son état, issu de l'enfer ou du ciel. Elle vous paraît à tous cruelle, vous abandonnant souvent à vos mots insignifiants. Libère le cœur de ses échos, libère le cœur de ses mots, libère le cœur de ses échos.